Atanas Ivanov, président d'honneur de l'Union des communistes de Bulgarie, a publié un entretien le 22 juin à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung. Il a dit notamment « Le camarade Kim Il-sung est l'éternel leader du peuple coréen qui a consacré tout pour la prospérité du pays et le bonheur du peuple. Pour ses exploits, il reste vivant toujours dans le cœur du peuple coréen et de l'humanité progressiste du monde. »